you. On a vécu le fils de l'homme. Oh, la différence, la référence, le reflet de la gloire du vivant. Pas un instant, il n'a connu. n'est pas si difficile, n'est-ce pas? Comment ne pas adorer? On y va ensemble. Jésus. Comment ne pas adorer? Comment ne pas adorer Jésus? Sauvé, je l'avoue. Le grand potier qui m'a formé, comment ne pas ce père d'amour qui m'aime tant, ce roi de gloire qui m'a changé. Les bénis, nous t'adorons.